Vous écoutez un DJ set de Pierre, DJ résident du Fuse pour les Fuse Files dans Pure Trax. We'll be right back. We'll be right back. Thank you. écouter un DJ set de Pierre, DJ résident du Fuse pour les Fuse Files dans Pure Trax. Pure Tracks. Fuse Fight. We'll be right back. How do I know? 'Cause everyone's in Rick Owens.